Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Premier titre de cet épisode de Copie non conforme, Touch de ZZ Top, paru en 1975. La cover est interprétée par les filles de Girls' School. Copie non conforme. I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones date de 1966. Divo l'a repris en 1978. Thank you. copie non conforme. En 1978, The Jam sortait le titre The Place I Love, repris ici en français par French Boutique. Thank you. sad colourful blouse. And goldfish that swim in a pool, there's a small brick wall with neon lighting controlled by lightning. I'm making a stand against the world. There's nothing red as if I had, and it's always in the back of my mind. Our love is nowhere near here, not within a yard of a trendy deuce. With dogs bodies pick you up and graciously give you a lift, who cherish thoughts and bitterness. I'm making a stand against the world. There's nothing would hurt us if I had, and it's always in the back of my mind. I'm making a stand against the world. There's nothing would hurt us if I had, and it's always in the back of my mind. Copie non conforme. Le hit de Bon Iver, Skinny Love, a eu pas mal d'adaptations. J'ai choisi celle de Slowly Slowly, jouée en live. So come on, skinny dude, what happened here? skinny love just lets in you. To pour a little salt we will never hear. My. Staring at the sea. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme avec Madonna et le titre Frozen de 1988. Et on écoute également la version des Nancéens de Too High. You're sunk, consumed with how.

ça vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut!